Les jambes. Les jambes sont musclées. Les jambes sont grosses. Les jambes sont arquées. Les jambes sont élancées. La démarche. Sa démarche est majestueuse. Sa démarche est gracieuse. Sa démarche est vive. Sa démarche est fière. Sa démarche est raide. Sa démarche est boiteuse. Sa démarche est élégante. Le portrait moral. Des qualités intellectuelles du personnage. Il est instruit. Il est cultivé. Il est intelligent. Il est sage. Il est lucide. Il est savant. Des qualités morales généreux. Il est généreux. Il est charitable. Il est loyal. Il est honnête. Il est franc. Il est aimable. Il est ambitieux. Il est superstitieux. Il est indiscret. Il est peureux. Des défauts intellectuels. Il est illettré. Il est analphabète. Il est inculte. Il est idiot. Il est débile. Des défauts moraux. Il est impoli. Il est avare. Il est hypocrite. Il est curieux. Il est arrogant. Il est odieux. Le caractère. Il est timide, renfermé, sympa. Il parle peu. Il sourit peu. Il est très marrant, drôle, gentil,